Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 64. Du milieu des vertus, les vertus morales sont dans un milieu. Les vertus intellectuelles ont aussi un milieu. Les vertus théologales font-elles les exceptions? 1. Les vertus morales consistent-elles dans un milieu? Aristote a dit, la vertu morale est une habitude qui choisit un certain milieu. En effet, la partie appétitive de notre âme a pour règle et pour mesure la raison, à laquelle elle doit être conforme. La bonté d'une chose réglée et mesurée, consistant à atteindre sa règle sans la dépasser ni rester en deçà, il est manifeste que le bien des vertus morales se trouve dans la conformité avec la raison même. Or, cette conformité ou égalité, qu'est-ce autre chose qu'un milieu entre un excès et un défaut? Donc les vertus morales résidant dans un milieu, la magnificence avec ses grandes dépenses, la magnanimité avec ses grands honneurs, ont elles-mêmes un milieu. Ces vertus, prenant pour règle la raison, choisissent ce qu'il faut, où il faut et comme il faut. L'homme magnanime, disait le philosophe, reste dans un milieu, entre l'excès et le défaut, parce qu'il suit la raison. Il en est de même de la virginité et de la pauvreté, qui, pour une bonne fin, dans la vue du ciel, renoncent, l'une au plaisir sensuel, l'autre aux richesses. Faire ces sacrifices par superstition ou par vaine gloire, est une œuvre superflue. Les omettre quand il faut les faire, est un vice par défaut. 2. Le milieu des vertus morales est-il pris des choses ou de la raison? La vérité morale, répond le philosophe, consiste dans un milieu que la raison nous détermine. Nous venons de voir effectivement que la vertu, par sa conformité avec la raison, est dans un milieu. Parfois le milieu de la raison est aussi celui des choses, et alors le milieu des vertus se prend des choses même, comme il arrive dans la justice. D'autres fois il n'est pas celui des choses, et, dans ce cas, la raison le détermine relativement à nous, c'est ce qui a lieu dans toutes les vertus morales autres que la justice. Voici la raison de cette différence. La justice s'exerce par des opérations extérieures dont la rectitude consiste à donner ce qui est dû, ni plus ni moins, alors, le milieu rationnel se confond avec le milieu réel. Mais, dans les autres vertus morales, qui gouvernent les passions intérieures dont nous sommes diversement affectés, la raison ne saurait fixer le droit par une règle uniforme, elle le détermine par rapport à nous, en tenant compte des impressions diverses que les passions nous font ressentir. 3. Les vertus intellectuelles sont-elles dans un milieu? Les vertus intellectuelles ont une règle, et conséquemment un milieu. Cette règle, c'est le vrai absolu, pour la vertu spéculative, le vrai relatif à la volonté droite. Pour la vertu pratique, le vrai absolu étant mesuré par la réalité des choses, le milieu de la vertu intellectuelle spéculative consiste dans la conformité avec les choses mêmes. L'excès se trouve dans la fausse affirmation de ce qui n'est pas, le défaut, dans la négation de ce qui est. Le milieu de la vertu pratique est la droiture de la raison, c'est-à-dire la prudence. 4. Les vertus théologales sont-elles dans un milieu? Considérées en elles-mêmes, les vertus théologales ne sont pas dans un milieu. Relativement à Dieu qui en est l'objet, on ne peut pas pécher par excès. Plus la foi, l'espérance et la charité sont grandes, plus elles nous approchent de la souveraine perfection. Mais, eu égard à nous qui devons régler nos vertus sur notre condition, on peut y découvrir accidentellement des extrêmes, et par conséquent un milieu. Dans l'espérance, Celui-là pêche par excès qui espère des biens supérieurs à sa condition, au lieu que tel autre pêche par défaut en espérant pas ce que sa condition l'autorise à espérer. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.